J'ai le plaisir d'avoir avec moi deux auteurs de Saint-Malo qui sont de passage à Québec, certes pour le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, mais aussi qui sont arrivés un peu en amont de l'événement dans le cadre d'une mini-résidence. Alors, j'ai le plaisir de les avoir en ma compagnie. Donc, Nicobi, bonjour. Bonjour. Job, bonjour. Bonjour. Alors, mini-résidence de création à Québec, d'exploration, comment ce projet-là est venu à exister, à être mis en branle? Québec pour nous c'est un gros voyage, donc on s'est dit que quitte à partir si loin, ça pouvait valoir le coup de prolonger un petit peu le séjour pour le transformer en une mini résidence en effet. Et tout ça c'est aussi dans le cadre d'un partenariat avec le Festival de Quai des Bulles, puisqu'on est aussi co-organisateur de cet événement-là, et ça fait plusieurs années que voilà, il y a des échanges d'auteurs pour faire des spectacles, des résidences, etc. Donc ce coup-ci, c'est à nous de passer à l'action. Et j'imagine que ça devient intéressant d'un côté évidemment pour la création, mais aussi pour la notion de rencontre. Enfin, on dit souvent que les festivals c'est des lieux de mise en commun, de partage pour les auteurs, donc d'élargir un peu les réseaux de contact. Ouais, c'est un des gros avantages de ce genre d'opération. Donc là par exemple, on a vraiment fait connaissance avec tout un tas d'auteurs québécois qu'on connaissait pas avant, malgré tout. Et puis, ça permet aussi d'entretenir les liens avec ceux qu'on a déjà entrevus, notamment donc à Saint-Malo, puisqu'il y a eu un échange de résidence il y a quelques mois et un autre il y a quelques années. Et j'imagine qu'en termes de sensibilité créatrice ou festivalière, il y a des parentés à faire entre justement Québec et Saint-Malo, au-delà du climat, évidemment, au-delà de l'art marin et le reste, si on peut dire. Dans les deux cas, il est question de BD francophone, donc c'est clair que c'est quelque chose qui nous rapproche. Après, le panorama de la bande dessinée m'a l'air d'être aussi large en France qu'au Québec. Donc oui, il y a des parallèles qui sont évidentes. Et évidemment, dans la notion de mini-résidence, vous êtes venu ici aussi pour créer, pour faire croquer des moments, faire des planches, dans le contexte justement de cette exploration-là aussi. Donc, comment ça se passe un peu? Qu'est-ce que vous essayez de mettre de l'avant dans le contexte, le volet créatif, si on peut dire, de cette résidence-là? Au début, c'est assez difficile. On a commencé juste par raconter notre voyage, parce qu'il faut tout de suite de la matière. Et après, on jongle un peu entre ce qu'on s'autorise comme temps libre pour rencontrer des gens ou vivre des choses, et puis le temps de travail pour avoir le temps de le réaliser, d'autant plus que Nico veut le dessiner sur le moment pour garder l'énergie et l'intérêt de cette résidence et là aussi de tout faire sur le moment. Et après, sur ce qu'on vit, ce qu'on rencontre, ça dépend un peu de ce qu'on fait dans la journée. Donc la première journée ça a été assez touriste. Maintenant, on est plus sur des rencontres d'auteurs. Et c'est ce qui va nourrir un petit peu tout le récit de ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui fait justement l'importance de dessiner dans l'énergie du moment, de pas justement y aller avec des photos, des croquis, et ensuite de redessiner plus tard? On est dans le truc, donc ça ressemble. À titre d'exemple, j'ai fait un bouquin il y a quelques temps sur Djibouti, sur un voyage à Djibouti, que j'ai terminé chez moi, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais tendance à dessiner les personnages en pull, ce qui est complètement inimaginable à Djibouti. Quand on est sur place, on sent qu'en lisant la BD qu'elle a été réalisée sur place. Oui, dans le fond, que ça soit plus, ça favorise peut-être un peu l'immersion du lecteur, qu'on puisse retrouver l'énergie dans laquelle vous trouviez quand vous étiez sur place. Exactement, ouais. C'est une espèce de journal intime en direct, quoi. Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'après on rentre et qu'on est sur d'autres projets, et que si on termine pas dans les temps, ça a tendance à traîner et à être moins abouti. Donc il faut quand même, pour les raisons que Nico a développées et pour ces questions de temps, c'est intéressant de le faire sur le moment, avec un petit débord de quelques jours pour terminer les dernières anecdotes, mais enfin voilà, c'est quand même l'intérêt de la chose. Et évidemment, est-ce que on se met dans un mode d'observation différent justement quand on se dit ok, je suis pas ici en touriste, je suis ici aussi pour raconter ce que je vis, raconter ce que j'observe. Est-ce qu'on observe différemment? Est-ce qu'on agit différemment? Ouais, on essaye d'être attentif en fait, de voir comment on va pouvoir exploiter ça, d'autant que des choses qui vont nous surprendre sont pas forcément pertinentes à mettre en scène. Donc on essaie de jongler avec tout ça. Il y a certains de ces strips, donc ça fonctionne sous forme de petits strips, qui sont absolument pas marrants, qui sont juste des strips d'observation, un peu contemplatifs. Et puis il y en a d'autres où on essaye de tourner en dérision des particularités de la vie québécoise, mais qui nous semblent suffisamment amusants pour aussi interpeller des Québécois. Et c'est une approche que vous explorez depuis quand même un bon bout de temps. Est-ce que justement vous avez l'impression d'avoir trouvé un air d'aller justement dans la manière de faire les choses, que les tâtonnements des débuts, si on peut dire, dans votre démarche plus BD reportage ont été laissés de côté pour y aller justement avec une approche gagnante entre guillemets? C'est vraiment un déroulé en fait. C'est-à-dire que si on lit les premiers et si on lit les derniers, il y a un certain écart entre les deux. En revanche, si on lit dans la continuité, on sent qu'il y a un repositionnement permanent pour essayer de coller plutôt parfois des choses qui vont être presque artificiellement drôles, d'autres où on est plus à se regarder vivre nous sur des petites scènes du quotidien. Ensuite sur des choses qui vont être plus de l'ordre de l'observation du pays, ensuite des choses qui vont être plus de l'ordre de la relation sociale avec d'autres auteurs, par exemple mettre en scène d'autres auteurs. Voilà, il y a une évolution permanente du truc, mais qui correspond aussi à notre évolution à nous pendant le voyage. En fait, on est vraiment à l'écoute de ce qu'on est pendant ce séjour. Et pardon, il y a une petite différence entre ce qu'on fait habituellement en reportage et la résidence, c'est que là on essaye de le faire sur le moment. Dans nos reportages, on est à peu près dans la même disposition d'écoute, etc. Sauf qu'après, on restructure complètement le livre, la trame narrative, etc. Donc là, on reprend beaucoup plus ce qu'on a vécu, on le réorganise différemment, et du coup, on est moins instinctif sur notre façon de bâtir le récit. Par contre, on essaye aussi de garder ce côté spontané dans les reportages qu'on a fait jusqu'ici. Oui, ça dépend de la finalité. Dans le fond, est-ce qu'on en fait un album? Est-ce que c'est des chroniques plus pour le web? Si c'est un album, mais nécessairement, il faut tisser un fil rouge. Il faut avoir un récit qui est plus suivi parce qu'on va avoir à accompagner le lecteur pendant 40, 46 planches et plus. Il faut l'accompagner et on développe un propos aussi. Mm-hmm. Là, ça demanderait à être réorganisé. Si jamais les strips de Nico sont publiés, je pense qu'il y aura un petit travail de réorganisation de l'ensemble. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne sur ces deux types de récits. Et vous avez mentionné tantôt justement le travail aussi à partir de témoignages, de rencontres avec des auteurs. Plusieurs de vos ouvrages en mode reportage ces dernières années sont consacrés justement à la notion de témoignage, que ce soit dans l'atelier de Fournier, que ce soit Mes années bêtes et méchantes, notamment si on se limite aux collaborations à deux. Sinon, il y a eu aussi La Révolution pilote. Donc, où vous rencontrez des auteurs, vous échangez, ensuite vous créez un album à partir de ce témoignage-là. D'où est venue justement cette idée peut-être d'abord d'aller cuisiner, si on peut dire, des collègues comme ça sur des périodes charnières de leur démarche, de leur travail d'auteur? À la base, je pense qu'on était lecteurs de Schtroumpf Magazine, là, toute une série d'entretiens qui étaient publiés par Glénat. On a toujours été intéressés par ces reportages, ces grandes entrevues avec les auteurs. Et après, on a eu de la chance. Il se trouve qu'il y a des bulles encore dans l'organisation. Notre trésorier était un ancien comptable de Harakiri. Et quand on s'est retrouvé dans l'équipe d'organisation, on l'a entendu nous raconter des anecdotes quasiment à toutes les réunions. Et Nico, en particulier, était très sensible à ce journal. Et donc, on a rapidement eu l'envie de le cuisiner pour de bon, d'aller au fond des anecdotes qu'il pouvait avoir, etc. Et on a proposé le projet chez Glénat et qui a été intéressé tout de suite. Et du coup, c'est un livre qui s'est fait rapidement. Et puis, je sais pas, sur Fournier, c'était les 75 ans de Spirou. Donc là, c'est plutôt l'éditeur qui nous l'a proposé. Et puis Fournier, on le connaissait très bien aussi, pareil, depuis 20, 25 ans. C'est un sujet qu'on connaissait bien. C'est un bonhomme qu'on aimait beaucoup, qu'on aime beaucoup. Et du coup, ça s'est fait aussi assez naturellement. Et du coup, l'un comme l'autre, on a passé plusieurs jours avec eux. On les a cuisinés. Et voilà, on a tiré toute la matière qui a servi à faire le livre. Et nécessairement, ce qui est intéressant dans ce mode de reportage-là, j'ai l'impression que c'est un peu la capacité qu'on a à travers la BD à mettre en scène et à éclater un peu la structure du documentaire. J'ai l'impression que si on l'avait fait la même chose avec des caméras, avec des micros, on n'aurait pas eu du tout la même ambiance au final. Je pense, par exemple, si on parle de l'atelier de Fournier, la séquence où les éditeurs lui disent le mettre à la porte, qui est monté un peu comme un tribunal. Ben, on a la liberté d'éclater un peu ces éléments-là à travers le médium. On va juste un tout petit peu au-delà de son ressenti à lui. C'est-à-dire que lui, quand il en parle, il a ce ressenti de tribunal, de tribunal face à lui, et on le met en scène de cette manière-là parce que c'est comme ça qu'il nous le raconte aussi. Mais c'est vrai que si on partait d'un reportage filmé, on aurait, dans le cas de Fournier, on aurait un Fournier qui serait probablement pas le Fournier naturel. Il serait tendu d'être filmé. Il y aurait certainement des modifications. Si pourrait avoir quelque chose de naturel, on prenait un acteur, ce serait juste pas Jean-Claude. Et il se trouve qu'avec la BD, on arrive à faire les deux, à avoir un personnage qui est vraiment lui, même si évidemment il est dessiné, et en même temps l'utiliser et le mettre en scène avec la petite outrance qui permet de coller finalement au mieux à ce qu'il est. De nous faire mieux ressentir peut-être ce qu'il ressent, parce qu'on peut aller au-delà de la manière dont lui le parle et aller aussi à travers la façon dont vous l'avez reçu. Oui, il y a l'interprétation. Il faut savoir que si c'était un documentaire, ça serait pénible, parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui est assis qui nous raconte quelque chose. Ce qu'on crée, c'est ce qu'on recrée, du coup, c'est de l'image d'archive qui n'existe pas forcément. Donc il y a toute une partie mise en scène de Fournier face à nous, ou nous face à Fournier, où là justement on essaye de le faire vivre, etc. Et pour ne pas lasser le lecteur, de temps en temps on illustre des scènes qu'il nous raconte. Donc là on part de photos qu'il peut nous trouver dans ses archives, on part de le tribunal, il a été totalement imaginé à partir de ce qu'il nous a dit. Mais voilà, ça fait partie de la mise en scène pour tenir le lecteur en haleine, etc. Donc il y a aussi tout l'artifice de on se rencontre, on passe un moment à discuter, à fouiller dans ses archives, de passer un repas, d'essayer de rythmer la journée aussi de la rencontre qu'on met en scène, et puis voilà, de passer après sur une illustration type archive vidéo ou photographique. Et même, j'imagine aussi à travers ça, la source principale, le témoin qui porte un peu ce récit-là, et les gens qu'il va présenter vont devenir aussi des personnages. Donc on passe aussi, j'imagine, par le même traitement que pour un album. Ok, comment on va le dessiner, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant avec Fournier, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant dans La Révolution Pellette avec Claire Bretéchard par exemple, quel caractère on veut lui donner, qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte, quitte à pas nécessairement, j'imagine, aussi être dans le dessin réaliste, mais plus être dans l'émotion réaliste. Ouais, moi c'est toujours un truc que j'ai revendiqué dans mes interprétations de personnages, de pas être ressemblant. Vous pouvez même en témoigner puisque vous nous avez devant vous. On ne se ressemble pas forcément tellement par rapport à notre représentation dessinée. Mais j'ai le sentiment que finalement ces représentations un petit peu déformées sont fidèles, même si ça ne ressemble pas physiquement au personnage. Qu'il y a une ressemblance sentimentale plus à ce que sont à ce qu'est la réalité de ces personnages-là. Et puis en même temps, c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps pour faire pour donner l'impression au lecteur, pour faire saisir au lecteur le caractère de cette personne-là. Donc il faut aller aussi à l'essentiel dans ce qu'on a besoin pour servir le récit qu'on est en train de raconter au bout du compte. Oui. Et puis là, il y a une connivence avec le lecteur qui est claire. C'est qu'une fois qu'on lui a dit que ce personnage frisé avec un nez retroussé et puis une barbe, c'était Fournier, il faut juste que le personnage que je dessine ressemble à cette première interprétation. Le lecteur acceptera que c'est Fournier, même si ça lui ressemble pas exactement. Et est-ce qu'il y a quand même des jeux de va-et-vient dans la mesure où, surtout tout particulièrement dans le cas de ces documentaires-là où vous cuisinez les collègues, où vous allez nécessairement avoir les recroiser, peut-être avoir à jaser du livre avec eux dans des rencontres, dans des festivals, dans des événements. Est-ce qu'il y a un jeu de va-et-vient ou est-ce qu'ils vous laissent justement la liberté de partir de leur récit et de vous approprier leur récit à votre façon? Ils nous laissent, c'est le deal de départ. Ils nous laissent complètement les cuisiner assez loin, parce que on a quand même à chaque fois entre 10 et 20 heures d'entretien, donc dans laquelle on puise ce qu'on veut raconter. Après, ils nous laissent carte blanche. Par contre, nous, comme on va des fois sur des trucs plus intimes, on parlait du tribunal ou des choses comme ça que les gens ont pas forcément bien vécu à l'époque, etc. De toute façon, on leur soumet les pages. pour qu'ils acceptent de ce qu'on, notre interprétation. Ceci dit, on n'a jamais eu aucun problème. Ils ont toujours accepté. Ils ont demandé aucune modification ou aucune coupure. Donc, je pense qu'on a été respectueux à la fois des événements et des personnages qu'on a interrogés. Et l'axe, le fait de partir justement avec un témoin, me semble intéressant dans la mesure où c'est pas non plus des documentaires qui prétendent être sans équivoque la réalité historique, mais c'est la réalité de votre source que vous nous présentez, donc ça devient a priori aussi qui j'ai l'impression est intéressant en termes de démarche de travail. On cherche deux choses, c'est une histoire intéressante, quelque chose qui nous plaît, et surtout un personnage, un vecteur pour nous raconter cette histoire. C'est vrai que ça fait partie à chaque fois du processus de nos livres, d'avoir un personnage truculent de préférence qui a des choses importantes, enfin des choses qui nous plaisent à raconter. Ça fait partie du dispositif. Et puis nous, puisqu'on est aussi en scène dans ces livres-là, on sert soit de faire valoir, soit on temporise l'action. Enfin voilà, on se met en scène aussi pour que le récit soit équilibré et qu'il avance. Voilà, il peut y avoir ou soit sur des transitions, soit sur des temps morts ou des choses comme ça. Nos deux personnages servent aussi à faire la sauce de tout ça. J'ai tombé à un moment donné sur une entrevue en lien avec Mes années bêtes et méchantes où vous disiez, pendant que vous cuisiniez Daniel Fouché, j'ai probablement mal prononcé, mais bon, vous aviez réalisé en cours de route qu'il était en train de vous raconter, dans le fond, un jalon important, puis un peu oublié aussi de l'histoire de la BD, au bout du compte, que vous aviez là une matière qui était non seulement intéressante, mais aussi historiquement importante. Oui, sur ce journal, il y a eu beaucoup de choses décrites par Cavana notamment. Cette histoire de Harakiri et de Charlie Hebdo, hein, parce que c'était le même berceau. L'histoire a été écrite, mais par les stars, c'est-à-dire Reiser, Cabu, Cavana, etc. Et nous, ce qui nous intéressait avec Daniel Fuchs, c'était justement de rentrer aussi dans les coulisses, d'être plus proche du professeur Choron, qui est un personnage complètement tordu, et de voir comment au quotidien c'était difficile. Il courait chercher du papier, il inventait mille trucs pour faire vivre le journal, pour que ça sorte tous les mois, et du coup cette approche là nous plaisait bien. Mais voilà, pour nous c'était une façon effectivement de témoigner d'une histoire, mais plutôt côté coulisses, parce qu'elle était quand même assez écrite officiellement dans l'autre sens. Oui, puis d'une certaine façon, c'est un peu la même chose avec Fournier, où c'est quand même une histoire qui a été narrée dans différents contextes, donc il s'agissait de la raconter différemment, comme pour Harakiri, comme pour la Révolution pilote aussi, dans le fond, où je me rappelle, je pense que c'est Claire Bretéchard qui vous avait dit, encore, vous voulez encore que je vous parle de la fois où Goscinny s'est fait lyncher au magazine pilote. C'est ça, ouais. Ouais, c'est des histoires qui avaient été vachement abordées plein de fois, et finalement, dont il restait une espèce de part d'ombre qui n'avait jamais été creusée plus profond, quoi. Et la Révolution pilote part de cette idée-là, d'aller voir au fond de cette histoire que tout le monde connaît sans trop savoir exactement avec quel détail elle s'est déroulée. Oui, puis un moment qui a été marquant, en fait, qu'on lise la biographie de Goscinny, où lui l'a reçu avec peine, avec douleur, avec tristesse, mais en même temps, où je pense l'a priori qui avait été pris avec vous et votre collègue journaliste avec qui vous aviez travaillé là-dessus, c'est un peu que ça avait été aussi le point de départ de la BD moderne, d'une certaine façon. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le point de départ de la BD moderne, à peu près de manière objective en France. Et surtout, tout le monde l'évoque, ce moment. Enfin, on parlait de Schtroumpf, les cahiers de la BD, là, tout à l'heure. C'est vraiment un épisode auquel tous les gens de cette génération, à peu près dans leur intégralité, font référence à un moment ou un autre comme un moment bascule, quoi. Et donc, ça s'agit encore là de trouver l'angle, de trouver l'approche. Et à travers tout ça, Joub Nicobi, qu'est-ce qui fait justement l'intérêt, peut-être, que ce soit la BD qui raconte l'histoire de la BD, de pas le faire en livre savant, en roman, en documentaire vidéo? Pourquoi, justement, ça c'est pertinent et important que le médium réfléchisse sur sa propre histoire? Disons qu'il n'est pas illégitime, en tout cas ça exclut pas d'avoir toutes sortes d'autres médiums pour réfléchir à l'histoire de la bande dessinée, mais la bande dessinée est pas du tout illégitime. ça, j'ai l'impression, enfin moi j'ai toujours le même sentiment par rapport au reportage bande dessinée, c'est que le reportage bande dessinée a cette espèce d'honnêteté de pas prétendre être la vérité, puisque de toute façon c'est du dessin, donc il y a le prisme du dessin. Et ce n'est jamais qu'une interprétation de ce que ça raconte, mais on peut y trouver malgré tout un ressenti d'authenticité. Mais ça va être dans la manière dont on va mettre en scène nos personnages. À quel point on va leur donner de la chair, quoi, de l'authenticité dans notre manière de les mettre en scène. Et puis nécessairement, mais comme la structure ou l'intérêt documentaire de la BD semble être en train d'éclater, alors qu'il y en avait quand même relativement, ça a toujours existé, mais il y en avait relativement peu, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Donc nécessairement, en fait, dans cet éclatement-là, c'est logique aussi qu'on fasse l'histoire de différents trucs, mais aussi à travers ça, l'histoire de la BD elle-même. Exactement. Et justement, comment on se sent dans cette effervescence-là à laquelle vous contribuez autour justement de la BD documentaire? Est-ce qu'on a l'impression que, je parlerai pas d'âge d'or parce que c'est un peu galvaudé comme expression, mais que cette renaissance-là apporte ou risque d'apporter une légitimité de plus en plus importante à cette approche-là, à l'utilisation de la BD dans un contexte de reportage, dans un contexte journalistique? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets. Si les bouquins sont bien, ils sont légitimes. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire, quoi. Quand c'est bien fait, pourquoi pas le faire en BD. Quand il y en a un qui est bien fait, ça donne des idées à plein d'autres. Il y a un petit mécanisme de cavalerie comme ça. Il y en a à peu près. Enfin, je sais pas s'il y en a toujours eu, mais il y en a depuis longtemps. Sans doute Mouse, qui devait être à peu près le premier des reportages en BD, mais qui étaient vraiment sur l'intime. Et puis il y a évidemment Étienne Davodeau ou Joe Sacco qui ont beaucoup plus popularisé le sujet, ou même le Québécois Guy Delisle. Mais voilà, après ça entraîne plein de choses, parce que ces essais-là étaient des réussites. Je pense que ça a vraiment donné des idées aux autres. Oui, et c'est l'idée de vivre un peu des aventures, d'aller se donner des contextes, que ce soit des mini-résidences comme vous faites là pour faire des trucs un peu plus intimes, si on peut dire, à certaines diffusions, ou d'aller justement comme le prochain album Manuel de la jungle, où vous êtes allé dans la jungle, la forêt vierge de la Guyane française, donc où c'est un peu une quête de l'aventure, une quête d'une vérité aussi, ou d'un questionnement à travers tout non, ça. On n'est pas là-dessus. L'idée première, en fait, on a toujours cette idée du personnage central. Là, on a rencontré un vecteur qui est un gars que je connais là en Guyane, puisque j'y habite, qui avait à cœur de montrer sa forêt et d'essayer de casser les clichés des gros serpents, des grosses mygales, etc. Et qui avait une approche de la forêt et un parcours personnel qui était intéressant. On sentait qu'il y avait de la matière à raconter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a proposé à notre éditeur. Donc Nico m'a rejoint pour vivre l'aventure. Donc là, on était un petit peu plus effectivement sur quelque chose qu'on vivait. Il y avait une partie de questionnement et de témoignage aussi avec ce personnage central. Donc toute la partie non anxiogène de s'approprier la forêt, d'essayer de pas avoir peur, etc. Ça a plutôt bien marché. On a passé deux trois jours. En fait, généralement, ça se passe bien dans mesure où on voit pas des exploitants d'or illégaux. Voilà. Le truc, c'est que la deuxième partie de notre séjour, elle a été totalement chamboulée, puisqu'on est arrivé dans des zones où il y avait des chercheurs d'or clandestins, etc. Et là, on s'est pas senti ni en France, ni chez nous, ni à notre place, etc. Et ils nous l'ont bien fait comprendre. Et voilà, après, il s'est passé plusieurs événements et ça a complètement changé le cours de notre récit. Mais du coup, l'idée première étant de faire quelque chose de léger, on a gardé un ton... on a eu très peur, honnêtement. Donc, on avait vraiment envie de rentrer, etc. Mais la façon de le raconter, elle reste totalement sur le ton de l'humour, etc. On essaye aussi toujours de garder une distance. Et puis après, il y a eu le tri de voir justement... Donc, on a fait cette partie sur la forêt non anxiogène dans laquelle on a plaisir. Puis après, on a essayé d'aborder aussi un petit peu ces problématiques-là d'exploitation de l'or, etc. Donc voilà, celui-là était un peu plus vécu dans l'aventure. Mais on est resté sur la même démarche que sur les autres livres. Oui, puis toujours en étant ouvert, dans le fond, en partant pas avec une idée précise de ce que vous allez vouloir tisser, mais nécessairement, il faut être réceptif pour le construire live. On collecte de la matière et puis après on réorganise suivant le propos qu'on veut développer. On reste sur un scénario classique finalement, mais on va chercher la matière première un peu, soit avec des personnages qui nous racontent des choses, soit en vivant comme ça des aventures. Quoi. Et Manuel de la Jungle, ça s'en vient en fait, je pense que c'est prévu pour l'année. Normalement, c'est aujourd'hui qui sort. En France, donc dans 3 mois au Québec. Donc voilà, il va y avoir un petit décalage. Mais nous-mêmes, on ne sait pas exactement parce qu'on n'a aucune nouvelle là pour l'instant. Donc il se peut que ça soit décalé d'un mois. Donc, on va dire d'ici l'automne. On se garde une petite gêne. Sinon, évidemment, donc le contexte de la collaboration Québec-Saint-Malo, est-ce que vous avez l'impression que c'est une première année, je crois, une première expérience où il y avait une délégation Québec qui était allée à Saint-Malo l'an dernier avec le festival. Vous venez cette année. Il y a eu d'autres initiatives en parallèle en amont de tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une collaboration qui risque d'être durable entre les deux événements? L'intérêt, c'est de continuer à développer les échanges. Mais c'est quelque chose qui existe quand même depuis plus de 15 ans. Hein. Donc les équipes changent soit ici, soit chez nous. Mais il y a la Maison du Québec à Saint-Malo. On a reçu plusieurs auteurs, différentes générations. C'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. C'est l'intérêt de pérenniser tout ça, puis de suivre les parcours de chacun. Donc oui, il y a une volonté. Après, il faut trouver des choses un peu légitimes. Là, on est plutôt parti sur des échanges de spectacles ou de concerts dessinés ou de type comptabule. Ça nous semble intéressant. Ou la ligue d'improvisation, là. Nous, on a amené le comptabule, qui est un savoir-faire de chez nous, et Québec a amené ce côté ligue d'improvisation et tout, etc. Ça me semble intéressant. Et puis après, pour les auteurs, c'est intéressant pour les uns comme pour les autres d'aller dans les festivals respectifs pour rencontrer des auteurs ou des éditeurs et voir un petit peu comment ça se passe. Quoi. Alors on aura peut-être l'occasion donc de se recroiser en cours de route. Et d'ici là, merci beaucoup d'avoir passé ce bref moment avec nous. Job Nicobi, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.